toutes et tous et bon début de semaine sur Radioactive. Dans ce premier MAC de la semaine, je vous propose de découvrir les ateliers du jeu au jeu. Lancé en 2023 par le CCAS d'Amboise et coordonné par Stéphanie Dridi, médiatrice emploi, insertion et numérique à la ville, ces temps de rencontre ont rencontré un tel succès qu'ils ont été reconduits cette année. Dédiés à des demandeurs d'emploi de tout profil, ces ateliers tendent à la découverte ou la redécouverte de soi, sans jugement, dans le respect de l'autre et l'écoute. Ce lundi 4 juin, les partenaires étaient invités à pousser les portes du dojo dans le quartier de la Verrerie pour rencontrer les participants qui avaient préparé pour l'occasion des jeux théâtraux et des chorégraphies dans une ambiance pétillante avec la coopération et les conseils avisés de Philippe Dulin, comédien professionnel. Nous étions parmi eux. Ma particularité, c'est l'emploi, donc j'avais envie de les mettre en avant, en fait. Voilà, j'avais envie de ce lien, cette cohésion entre eux. Et le groupe est super riche. Alors, pour info, ça va de 19 à 64 ans. On a des personnes qui sont en recherche d'emploi, d'autres qui ne travaillent plus, d'autres qui ne peuvent plus travailler. On a des gens d'Verrerie, des gens de Maletraine, mais on a aussi des gens du centre-ville. Voilà, j'avais besoin de moi cette mixité et cette richesse qui s'apporte l'un à l'autre. Ayant travaillé avec Philippe, qui est donc le comédien Philippe Dulin, donc on a fait ces 9 jours. Et à la fin des 9 jours, je leur ai dit que voilà, c'était le dernier jour, qu'il fallait se quitter. Ils n'ont pas voulu. Donc du coup, j'ai pris la décision de continuer à ce qu'on se voit une fois par semaine, donc tous les lundis après-midi ici même. Mais pas que, parce que je ne sais pas si vous avez vu des photos, mais on fait d'autres choses. Jeudi, on est parti à Joué-les-Tours, au centre social de la Rabière, pour rencontrer les habitants de Joué-les-Tours aussi. Donc on a eu une super journée. Magnifique, des belles rencontres. Voilà, on a fait la navette de l'art, on fait les pique-niques, enfin, on fait plein de choses. Voilà, donc du coup, là on est parti sur du jeu au jeu, ça continue. Alors dans les ateliers, il se passe plein de choses. On n'a rien de construit. Quand on arrive ici, on ne sait jamais vraiment ce qu'on va y faire. Chacun peut proposer un jeu différent. Et moi, je suis pas le choix de toute façon. Non. Je suis en minorité, donc je n'ai pas le choix. On va laisser la parole quand même. Hein. Aussi, le groupe, c'est la famille. Hein. Ouais, il n'y a jamais de soucis. Quoi. On est tous ensemble, ouais. Partage. Il y a une très très belle cohésion entre ouais, eux. Ça rien que ça, bien. C'est... Je pense que ça vaut tout l'or du monde. Oui. Merci, dans le groupe, on est les six. Merci, Philippe. Merci à vous. Stéphanie, cette réunion aujourd'hui avec les partenaires, ça avait quel objectif? De présenter quoi? L'objectif premier pour moi, c'était de faire découvrir le groupe et ce qui se passe dans les ateliers et évidemment qu'ils puissent orienter des bénéficiaires parce que le groupe a besoin de grandir. Il est tout à fait à même d'accueillir de nouveaux participants et ne serait-ce aussi pour le groupe, voilà, pour valoriser tout ce qu'ils font, tout ce qui se passe dans les ateliers et qu'ils puissent avancer plus. Donc là, au programme de cet après-midi, des démonstrations de ce qui se passe pendant les ateliers? Oui, en général, oui. Voilà, c'est un peu le genre de jeu qu'on peut proposer, même si souvent spontanément, c'est à l'initiative des participants, de leur envie du jour, de leurs besoins. Donc voilà, ça peut être structuré comme pas structuré. Aujourd'hui, on l'a un peu plus structuré pour vous montrer à vous exactement ce qui s'y passe. Mais voilà, c'est un lieu ouvert. C'est eux qui ont la parole, en fait. C'est leur endroit et c'est leur moment. Vraisemblablement, il y a l'air d'avoir un engouement de la part de toutes ces femmes et d'un jeune homme. Je crois qu'il est composé d'un jeune homme, ce groupe. En tous les cas, on voit qu'il y a une unité et puis on a pu échanger hors antenne avec plusieurs participantes. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de très fort. Oui, je crois que le mot est bien choisi ou est-ce qu'il est même inférieur à ce qui s'y passe? Ouais, c'est très fort. Ils ont une cohésion qui est impressionnante. Il y en a une qui a tendance à dire que c'est comme une famille et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se passe. Il y a une confiance entre chacune et chacun d'entre eux et vraiment une bienveillance. On disait tout à l'heure le fait de s'accepter comme on est. Et il n'y a aucun jugement dans le groupe. Et je pense que c'est ça qui fait que y a ce lien si fort. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Marlène. Ce que je dis n'est pas ce que je veux dire, voilà, en fait. C'est pour nous. Il y a toujours un écart. Yes. Un écart. Ouais. Entre ce que je pense. Ouais. Et ce que j'aimerais dire, effectivement. Voilà. Ce que vous entendez n'est pas ce que je veux dire. Et certainement pas ce que je veux dire. Alors, si tout le monde s'embête, aucun individu ne peut transmettre à un autre 100% de sa pensée. Ça, c'est vrai, ça. Il y a toujours un écart entre ce que je veux dire. Ce que je. Bon, alors, attends. qu'entre ce que l'autre comprend. Mais comprenez, pour être parfaite... Non, mais j'arrête de vivre. La communication n'en est pas moins réelle. Aujourd'hui, cette présentation, pour moi, ça caractérise le fabriquer ensemble. Mmh. Comme on montrait une pièce, comme là, il y a une chorégraphie qui est montée, comme là, il y a une mise en scène sur le fait de parler de la communication, fait sur cette chose qui est un peu improvisée, avec une structure voilà, de technique, qui peut donner un effet un peu répété, travaillé, ou qui travaille en même temps sur l'improvisation et la spontanéité. Le fait de le faire ensemble, avec des règles que parfois c'est une personne du groupe qui donne une consigne, un autre jour c'est une autre personne qui donne une consigne, c'est pour ça que c'est pas que moi du tout, c'est tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant, comme si on expérimentait dans ce groupe-là le comment on fabrique ensemble. Ouais, c'est pas un plus au club, c'est tout le monde. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un chef? Peut-être qu'à des moments, il y a un chef, une chef, parce que c'est le porteur de son idée. Donc bah, il essaie de l'expliquer. C'est partagé, c'est discuté, même si ça peut être discuté des fois longuement, peu importe. C'est aussi l'histoire de ça, avant que des fois on soit tout le temps le nez dans le guidon et puis à travailler tout le temps. Mais qui peut dire que des fois derrière son bureau, il n'a pas avec ses collègues pris 10 minutes pour discuter, même quand les horaires sont là et ainsi de suite, et prendre le temps d'échanger. Et puis du coup que ça contribue à alimenter aussi la réflexion, la projection, le se comprendre, le faire ensemble. Après, ça ne veut pas être un groupe comme un club de théâtre, comme un club de danse, comme ici ou ça. Mais ça fait plus troupe, quoi. Une entreprise. Non, mais c'est un ensemble, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Une entreprise. On peut mettre le mot entreprise. C'est qu'on aussi. Accepte chacun, avec, comme il disait, ses qualités, ses défauts. Et ses défauts. Il y en a, ils ne vont peut-être pas faire telle ou telle activité. Bah, tu acceptes que l'autre, il n'a pas envie. Bah, oui. Je veux dire, voilà, ce n'est pas pour autant qu'on va le juger ou quoi que ce soit. Non. Et en même temps... On t'accepte vraiment comme tu es, toi, quoi. Chacun apporte quelque chose. Et c'est ça qui est top dans ce groupe, c'est que, comme Stéphane disait tout à l'heure, on arrive avec nos qualités, nos défauts, et tu reprends confiance en toi, en fait. T'as le droit d'être toi-même. Ça va entre toi, t'es toi-même, hein. C'est vrai. Ouais, mais il y a quelques mois, j'ai eu une remise en question. Je travaillais plus, j'ai eu une réorientation, il a fallu que je me pose des questions, savoir où j'en étais dans ma vie perso, pro, et le groupe m'a vachement aidé. Il faut de la solidarité, il faut s'entraider, il faut s'écouter, parce qu'entendre et écouter, c'est deux choses différentes. Et puis chacun traverse ses moments dans sa vie, ça laisse la place à ça. C'est-à-dire que cette permission aussi d'être ou trop ou pas assez, enfin on s'en fout du coup, parce que tout le monde est trop. Tout le monde est différent, donc, ou tout le monde n'est pas assez, enfin bref, peu importe. Chaque personne on vient pas, c'est ouvert à chaque instant. Voilà. Ouais. Il m'arrive un échec, demain je recommence. Et non pas demain, penser à l'échec de la veille, de l'avant-veille, etc. Chaque échec fait avancer. Voilà, ne ressasse pas ce qui s'est passé hier, c'est pas ce qui va se passer aujourd'hui ou demain. Reprendre confiance, lâcher prise, s'accepter comme on est, tels sont les objectifs de ces ateliers au format libre où l'on ne participe que si l'on en a envie et où des amitiés naissent, comme en témoignent deux participantes. Ça vous apporte quoi, les filles ? Beaucoup d'amitié, beaucoup de compassion les unes par rapport aux autres. C'est vrai qu'il n'y a pas de jugement, il y a beaucoup de choses qu'on fait ensemble et on ressent un bien-être, on ressent quelque chose de bien, quoi, je veux dire. Moi, pour moi, c'est ce que je ressens. C'est ce que je recherche en même temps. Si je viens, c'est que je suis contente en même temps. Moi, ça m'a apporté beaucoup de positivité, des bons moments aussi, des nouvelles rencontres surtout, parce que voilà, je sortais plus, hein, maintenant je fais que ça. Beaucoup de bons moments surtout partagés ensemble, mais c'est le principal. Et les fous rires. On a entendu plusieurs fois parler de lâcher prise au travers de justement des exercices, des petits ateliers que vous propose Philippe. Est-ce que vous conseilleriez à des personnes qui nous écoutent de franchir le pas et de venir vous rejoindre ? Parce que pour certaines d'entre vous, on a bien entendu que ça avait changé, alors peut-être pas votre vie, mais en tous les cas, changé pas mal de choses dans votre quotidien. Ça fait du bien. Ça fait énormément de bien de venir, parce que même moi, la première, j'aurais jamais fait le pas toute seule. Quand on me l'a proposé, eh bien, je suis venue voir et franchement, j'ai été convaincue. Quand je suis repartie, bah, j'avais l'impression d'en avoir pris plein. J'étais gonflée, quoi, comme on dit, j'étais bien... J'étais dynamique. Quand je suis rentrée chez moi le soir, j'en avais pris. Et ça m'a donné envie de revenir. Et il se passe même un truc physiquement, finalement. Ouais. Physiquement, tout, moralement, c'est vrai. on participe à plein de choses. Et puis, on est un petit groupe, on s'entend bien. Hein. C'est formidable. On veut bien que les autres viennent aussi. Hein. On accepte tout le monde. C'est un groupe magique. Voilà. Avec un bel accueil sans jugement. Sans jugement, sans bel jugement. Accueil, toujours sourire, le dynamisme. Voilà. C'est très bien. Il faut venir. Bienvenue à tout le monde. Il faut nous rejoindre. Il faut venir nous rejoindre. C'est quand et ça se passe où? Alors, il y a différents endroits. Le lundi, en général, soit au CCAS, soit au dojo. Voilà. Ici. Donc dans le quartier de la Verrerie. Voilà. Ou le CCAS, Amboise. Ok, merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous et venez merci. Nombreux. Venez nombreux. Ouais. Alors Philippe, on vient d'échanger avec plusieurs participantes à ce groupe qui en ont dit tout le bien qu'elles en pensent, tout le bien que ça leur fait. Quel message vous voulez leur passer? Oui, je viens de te faire rire parce que je tombe sur un texte, puisqu'on vient de faire un exercice avec une improvisation de texte à plusieurs, à une douzaine. Voilà, ça fait partie d'un des exercices qu'on va présenter jeudi pour l'événement de la mission locale. Et il y a de préparer une chorégraphie où on entend la musique avec une danse sur un Madison et puis avec d'autres petits moments dans le Madison chorégraphiés par Julie, Christine et Stéphanie. Là, tout le monde participe. Il y a une lecture d'un texte sur la communication et puis on va faire deux, trois autres jeux comme ça, un peu mélange théâtre, danse, expression, lecture de texte, improviser ou essayer de jouer voilà, le plus possible. Voilà, c'est une chose qu'on fait depuis le mois d'octobre. Il y a eu 9 journées qui étaient les 9 journées du jeu au jeu. Le jeu au jeu ne s'est pas arrêté en janvier. Ça a continué. Au-delà de quelques notions de contrat qui nous liaient pour ça. Derrière, il y a un peu l'idée de dire c'est un peu aller bien pour aller vers ses projets. Ça peut être un retour à l'emploi, mais ça peut être une audition, ça peut être aller bien dans sa vie. Donc tout le monde vient en trouvant chacun ses objectifs, plus ou moins, ou pas, ou si c'est que de passer du bon temps, de trouver... Jusqu'à présent, personne n'a fait marche arrière. Il y a des personnes qui sont venues et restées le temps qu'ils voulaient rester. D'accord. Voilà. Il y a des personnes qui sont venues, même elles venaient ici dans cet atelier comme un répit, pour être tranquille. Donc à regarder, nous voir... C'est-à-dire son importance aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un groupe. Ça permet à chacun de trouver là où il a envie de s'engager, là où il a envie d'essayer, là où il a envie de s'exprimer. Donc soit dans les temps de parole, après les jeux ou avant les jeux. Les jeux, ils sont là pour favoriser dans tous les sens l'expression corporelle, l'expression émotionnelle, l'expression de texte. Et quand vous voyez l'évolution dans leur sourire, dans leur comportement, puisque certaines ont dit que voilà, elles sont arrivées, elles étaient différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui, est-ce que vous êtes fiers de voir ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, parce que ça m'appartient pas. Vraiment, en plaisantant, mais pas que. Ce qui est vraiment important, en tout cas pour moi, comme je le vis, c'est comme je viens d'en discuter avec deux personnes qui viennent observer ce qu'on fait aujourd'hui dans ces portes ouvertes. Ce qui est vraiment important, c'est que j'ai pas de responsabilité quant à la trajectoire de chacun dans sa vie. Mais une satisfaction peut-être quand même. Ce qui se manifeste, c'est la prise de confiance. La semaine dernière, on a fait une journée sur le clown. Oui. Et il y a une personne dans le groupe qui, de toute façon, ne voulait pas passer, ne passerait pas, c'est pas son truc. Ah non, moi je peux pas. Mais je la nomme pas, hein. Puis elle est pas tout de suite à côté. Mais ce jour-là, elle est passée toute seule, en improvisation avec le nez de clown. Et elle a joué une super belle partition aussi de clown. Une autre personne qui a des gros soucis de santé, très handicapant, très très handicapant, a joué une partition de clown extraordinaire. Elle nous a fait rire. Elle avait un clown un peu comme la Zézette du film Le Père Noël est une ordure. Donc chacun peut venir comme il est, tel qu'il est, et puis faire son bout de chemin. Avec cette histoire de confiance, de respect, de grande souplesse quant à un jour on n'a peut-être pas trop la forme, un autre jour on porte une idée. Donc tout le monde participe à ce qui se vit là dans ce groupe. On apprend à construire ensemble. Ce qui se construit, c'est pas objectivé. Précisément, ça transpire tout à fait ça, hein. On les a observés aujourd'hui et c'est tout à fait ce qu'on ressent en les regardant. Il y a une belle histoire d'amitié aussi, elle nous disait. Ouais. Il n'y a rien de forcé. Les gens qui veulent s'amitier, s'amitoie, ou enfin bref, comment... Deviennent amis. Voilà, c'est ça. Merci Marlène. Les choses se font assez légèrement et librement, et tout en ayant des moments de fond, parce que ça, on touche nos émotions personnelles, on touche nos vies personnelles, plus ou moins. Mais ça depuis octobre. Donc effectivement, ça confère une sacrée trajectoire à tous ensemble. Et puis les personnes se rajoutant, même récemment et dernièrement, ressentent quelque chose qui permet ça. Donc on encourage tous ceux qui n'osent pas à franchir le pas et à vous rejoindre dans ces ateliers du jeu au jeu. Oui, ben ça, c'est une très bonne idée. Viens qui veut, le temps qu'il veut. Là, il y a une personne qui nous a observé aujourd'hui, qui nous a regardé, qui a été émue par ce qui s'est passé, parce que ça l'a touché, elle. Et elle va venir lundi prochain pour essayer. Donc elle viendra, si elle veut participer, elle participera et bah, elle va peut-être probablement se faire inviter par des personnes du groupe. Voilà, c'est ce qui se passe souvent en général. Donc tout le monde est accueilli, invité à venir, à nous rejoindre quand on vient là. Mais après, si on veut juste être spectateur, on peut être spectateur. Il y a plein de choses aussi à apprendre. Une participation sans contrainte. Ouais. Merci beaucoup Philippe Dulin. Ouais. Bonne continuation pour ces beaux ateliers. Merci Marlène. Du jeu au jeu, c'est le nom de ces ateliers. Si vous voulez tenter cette aventure, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe du CCAS d'Amboise au 02 47 57 77 46 ou via le groupe WhatsApp lié au numéro suivant, le 06 12 10 09 18, 06 12 10 09 18. C'est la fin de ce mag, merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 18h pour une nouvelle édition. En attendant, bonne écoute de la suite de nos programmes sur Radioactive. Et on se quitte avec le thème de la chorégraphie du collectif du jeu au jeu. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping. That was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe people talking without speaking, people hearing without listening, people writing. The sound of silence. Fool said, I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Play my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops fell and echoed in the wind. From silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning, and the words that it was forming. And the signs and the words on the prophets are written on the subway walls, in tenement halls, in whispered in the sand. Silence. And in the naked light I saw